Planète culte, droit devant. Auditeurs du monde et d'ailleurs, c'est Cargo Cult. Et on revient, back by popular demand, j'ai envie de dire, à de la musique électronique, de la vraie. Bon, j'en profite pour vous dire que des fois, quand il n'y a pas d'électronique dans la musique, c'est vachement bien quand même. Hein. On l'a souvent prouvé ici. Mais oui, on reste quand même zélateur de la musique électronique. Et puis de son berceau tutélaire, Détroit. Allez, retour aux sources, tiens, et on s'en lassera jamais. C'est Carl Craig aujourd'hui, le héros de la fête. Ah ah, il y a de quoi faire avec Carl Craig. Dur de choisir, hein, parce que la production de Carl Craig, elle est intense, et elle est surtout très étoffée de plein de styles. Alors finalement, je reviens au presque source, avec le premier album qui va, pour le peu, vraiment, vraiment mettre Carl Craig sur la sellette. Et d'ailleurs, ce n'est pas son premier disque, hein, c'est en l'occurrence son deuxième. Donc bienvenue sur le disque du jour, dont le titre à lui-même est un programme formidable, je ne me lasse pas même de le narrer. More Song About Food on Revolutionary Art, 1997. Voilà. Alors bienvenue dans ce Cargo Cult à la découverte de ce disque. On en a pour un moment, on prend 2 heures aujourd'hui, le disque fait 75 minutes, enfin il remplit totalement les conventions du CD à l'époque. Alors, empressons-nous quand même de situer un petit peu ce disque dans la carrière de Carl Craig, qui est déjà conséquente, hein, attention. C'est d'ailleurs très amusant que Carl Craig a toujours et encore présenté comme un rejeton de la deuxième génération de Détroit. Et ma voix, je suis convaincu que ça se discute. Moi, je le mets dans la première, mais c'est le petit frère. C'était le disciple de Derek May. Et Derek May était lui-même le disciple de Ron Atkins. Hein. Donc voilà, il y avait comme ça, chacun avait son protégé. Et clairement, Carl Craig sera le protégé de Derek May. Il mettra la main à la pâte, même dans des productions du célèbre label de Derek May, Transmat. Et c'est d'ailleurs sur le label de Derek May, Transmat, et plus spécialement le sous-label prénommé Fragile, exactement comme en français, que Carl Craig va laisser ses premières œuvres et qui d'emblée se distingue avec une élégance et avec une volonté de ne pas spécialement mettre les deux pieds sur le dance floor, voire à peine un. On est dans des choses extrêmement mélodiques, quasi ambiantes finalement, qui vont tout de suite imposer une forme de sonorité assez mélancolique et assez belle aux productions de Détroit qui finalement, aux yeux du monde, semblaient en manquer un petit peu. Hein, on voyait un petit peu les gros rustos, quoi, Kevin Saunderson et des choses comme ça. Underground Resistance, c'était pas loin. Et je dis bien qu'ils étaient pas loin parce que c'était pas encore publié, Underground Resistance. Donc pour le peu, Carl Craig est déjà là. Il est dans une interzone finalement absolument géniale, quoi. C'est quelqu'un qui est un pur natif de Detroit, hein, un vrai petit gars du Michigan et puis de sa ville tutélaire Détroit. Il est né en 1969. Et à 20 ans à peine, hein, dès 89, Carl Craig donc va concevoir pas mal d'identités qui vont succéder. Je les cite et j'en oublierai certainement quelques-unes, mais les toutes premières, celles justement qui se font marquer sur le label de Derek May, c'est Psyché, hein, on dirait en français, ça s'écrit exactement pareil, BFC, et puis vont venir après 6ix9ine, 69, Paperclip People, avec un tube house endiablé qui est encore un éternel anthem de dance floor, ou encore Inner Zone Orchestra. Ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces noms, plutôt que d'être des noms finalement qui s'enchaînent à qui mieux, quitte à faire paraître comme ça, c'est Kevin Saunderson qui était très fort à ce jeu-là, à multiplier les entités, afin qu'aux yeux du monde, on se dise ouais, « à Détroit, c'est incroyable, il se passe plein de trucs, il y a une quarantaine de producteurs qui n'arrêtent pas de faire des trucs. » Non, en fait, c'était Justin qui avait décidé de prendre une quarantaine de noms. Et ça, c'était très fort de la part de Kevin Saunderson. Alors, Carl Craig, il n'aura pas une quarantaine de noms, mais par contre, à chaque patronyme, il aura un style. C'est très intéressant de noter que finalement, Inner Zone Orchestra, par exemple, va être extrêmement empreint de jazz et de breakbeat jazz. Là où Pepper Club People ira carrément les deux pieds dans la house. Voilà. Et dans tout ça, quand se posera la question de faire enfin un album, et ça arrive en 1995, donc c'est pas si tôt que ça, c'est pas tard non plus, mais c'est pas si tôt que ça. Là, Carl Craig mettra probablement le plus sa vraie entité techno-mélodique, mélancolique, et qui va faire sa marque de fabrique, hein, et qui est déjà en train de le faire. More Song About Food and Revolutionary Heart. Évidemment, c'est un parfait clin d'œil à un autre disque célèbre, c'est celui des Talking Heads, leur deuxième LP qui s'appelait More Song About Building and Food. Mais voilà, si Carl Craig dit More Song About Food and Revolutionary Art, il faut peut-être faire attention à Revolutionary Art. Et voilà ce que nous dit justement Carl Craig. Je lis texto et en anglais sa citation. Revolutionary art is determined by how much it revolutionizes our thinking and imagination, overturning our preconception and prejudice, inspiring us a change to ourselves and the world. Traduction rapide, hein, la révolution artistique est déterminée par la mesure où elle révolutionne notre pensée, notre imagination, et cela en bouleversant nos préjugés, nos idées préconçues, et en nous incitant à nous changer nous-mêmes et à changer le monde. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez contredire à ça? Surtout quand la musique à l'avenant est aussi belle que le contenu entier de More Song About Food and Revolutionary Heart. Donc je le disais, c'est le deuxième album de Carl Craig, sous son nom en tout cas, il faut insister, sous son vrai nom, Carl Craig, parce que les pseudonymes, finalement, il y en a à satiété, comme je le disais. Mais d'une certaine façon, beaucoup ont vu dans cet album le premier vrai album de Carl Craig, celui qui était attendu. Le premier vrai LP de Carl Craig, lui qui sort en 1995, s'appelle Land Cruising. Il sort sur une major, sur Warner, mais sous couvert d'un sous-label de Warner, qui est Blanco y Negro. Ce disque va pas toucher strictement son public. Ce disque va laisser un peu sur sa faim. Au point que Carl Craig va retourner sur ce disque-là et le ressortir 10 ans après, en 2005, sous le nom l'album Formerly Known As. Voilà, il y avait besoin de le retoucher, il y avait besoin de faire des reprises. C'était très étonnant, parce que ce disque était loin d'être mauvais, mais il n'a pas touché sa cible. Et celui qui va réellement être finalement, à lui tout seul, un catalogue de tout ce que sait faire Carl Craig et de tout ce qu'il a montré déjà. Mais attention, dans un genre pas trop démonstratif, pas strictement dans les pieds de la house, c'est celui qu'on va déprendre aujourd'hui, c'est More Song About Food, More Song About Building and Revolutionary Art. Voilà. Et oui, il y a à manger si on doit revenir au titre des Talking Heads. C'est une vraie collection de classiques, en fait. Classiques quand sont déjà ou classiques quand sont pas encore. Ce disque-là, lui tout seul, va repousser les frontières de la techno et puis même commencer à parler directement à l'oreille des pourfendeurs de la techno. Back in the days, 1997, la techno, elle est sortie de l'ombre, mais il y a encore quelques tireurs embusqués qui rêvent de lui tirer dans les rotules, si vous voulez. Et c'est grâce à des gens comme Carl Craig que le truc est en train de changer. Et effectivement, il y a quelque chose qui va finalement rendre la techno pas domestique, parce que ce serait en faire une espèce d'animal de compagnie, mais être autre chose qu'un martèlement de BPM pour un dance floor. Il n'y a pas de beat âpre ici, pas de pumping bass, tout est finesse, mélancolie au service d'une techno abyssale. Mais attention, pas du tout papier peint, hein, j'insiste sur ce côté-là. Tout est subtilement composé. Ambiante, ouais, mais pas neutre. Quant aux influences de Carl Craig, elles sont parfaites, je dirais. Il manque rien, mais il sait traduire parfaitement. Il y a des influences jazz, évidentes, jazz et breakbeat. C'est quelque chose qu'il avait exprimé, d'ailleurs, sous le patronyme de Inner Zone Orchestra dès 1992. De la house, mais aussi une petite couleur industrielle, crunch rock, Et ça, c'est parfaitement balancé. Et bien sûr, une vraie couche de minimalisme, de gestion du temps, comme ça, et de graduation impeccable par couche et par couche. C'est d'autant plus intéressant que Carl Craig, il sort d'un tube colossal, d'un anthem. C'est le fameux Throw, hein, lancé plutôt d'ailleurs, signé sous le nom de Paper Club People. C'est un tube, en plus ça rallonge, hein, je crois que la version maxi fait plus de 9 minutes. Hein, c'est peut-être un des titres même de House qui dépasse les 10 minutes. C'est une puissance minimaliste et comme ça. Alors là, ça fait danser les quatre fers en l'air, quoi. La petite histoire, je nous offre une parenthèse, la petite histoire de ce titre, elle est intéressante. Il l'a révélée il y a très peu dans son dernier passage à Paris, Carl Craig, quand il était invité par Jacqueline Coe à venir présenter à ses côtés le film qu'elle avait dédié à quelques grands fondateurs comme ça de Détroit. Il y avait Carl Craig en tête, mais d'autres. Et donc, lors de son passage à Paris, tout à fait récemment, il expliquait qu'il a fait Throw. D'une oreille plutôt discrète et en fait en ayant un œil et une oreille sur la compétition de football américain là voilà que le nom m'échappe, mais voilà, c'est le machin bowl, quoi, c'est le Super Bowl, exactement, c'est le Super Bowl. Donc voilà, et il était entre ces machines et puis l'énergie télévisuelle de la retransmission sportive qui avait lieu à ce moment-là. Et alors, du coup, on est renseigné sur le titre. Hein. Throw, évidemment, on voit bien le geste du lanceur dans le football américain. Donc voilà. Et ça a donné, parce que c'était un morceau complètement désinvolte. Même Carl Craig, il n'y croyait pas. Et puis après, il joue en Angleterre, il a quand même le morceau sous le bras. Il dit, tiens, on va voir ce qui se passe. Les Anglais, ils aiment bien les choses qui pum, pum, pum. Oh, voilà, tout s'enflamme. Quoi. Il le rejoue 3 fois dans la soirée. C'est un anthem assuré. Hein. 2 jours après, tout le monde le veut. Et voilà, il y a des petites légendes comme ça, de titres cultes house qui naissent comme ça avec très très peu de choses. Qu'un jour on fasse un spécial comme ça sur les choses qui tombent comme ça du ciel, par hasard ou pas, ou en tout cas dans un hasard semi-contrôlé, et qui font comme ça des tubes absolument éternels. Alors, contre-pied donc de cette attitude-là, parce qu'il en avait besoin, Carl Craig, avec effectivement cet album qui lui va pas du tout dans ce coin-là. On ne peut pas danser sur ce disque-là, en tout cas, on peut danser dans sa tête, et par contre, on s'y régale. Il n'est pas dépourvu de classique, hein, loin de là. En fait, c'est un titre, tout l'album, il y a une moitié des titres qui sont connus. Ils vont vous parler pour la plupart. Je cite quelques-uns comme ça. Green Smoke, Televisa. Alors, j'ai beaucoup de mal à dire ce mot-là, disons. Bon, télévisé, quoi. Je vais le faire en français. De la fumée verte, télévisé. Voilà, celui-là, il ouvre le disque. Enfin, après, une petite introduction assez courte, d'à peine 2 minutes. Et lui tout seul, d'ailleurs, il est un modèle du genre pour l'explication de ce disque, mais probablement un modèle du genre techno, parce que tout y est fait avec une progression graduelle. Hein. Vraiment à la façon de Steve Reich. Hein. Donc Carl Craig semble ici reprendre effectivement le processus de graduation que Steve Reich avait exprimé, hein, avec les mêmes mots. Tout ça va par couches, et puis des éléments qui se complètent. Les drums et le kick vont venir pas tout de suite. Hein. Les choses comme ça prennent le temps d'arriver. Et la plupart des morceaux, ouais, ils vont 7 à 8 minutes. Quoi. Ce qui est finalement le format auquel on s'attend sur ce genre de production à l'époque. Autre titre, Red Light, avec une lenteur très obsessionnelle, quasi industrielle. Il y a quelque chose comme ça de très, très urbain, quoi. Pesant et en même temps élevé, quoi. Il y a un constant chaud-froid, hein, chez Carl Craig qui est remarquable, quoi. On s'envole et en même temps, on est quand même les pieds dans la terre, dans du concrete, quoi. C'est Detroit, hein, c'est Détroit, c'est la ville du truc, quoi. Autre titre, Dominas. Alors Dominas, c'est formidable à citer parce que c'est pas un titre de Carl Craig à l'origine, c'est un titre de Maurizio. Mais Carl Craig avait été invité à faire un remix en 1993. Donc ce titre de 1993 paraît sur l'album. Et autant le dire tout de suite, effectivement, cet album est en fait une forme de compilation de titres qui avaient plus ou moins vu le jour, ou de titres que Carl Craig avait sous le bras. Et on suppute que c'est des titres qu'il n'a pas voulu donner justement à Warner. Il y avait cette dualité, il y avait ce rapport. étrange finalement, mais probablement légitime, avec cette génération d'artistes de Détroit ultra indépendants, chacun en leur label, et quand les majors se sont intéressés enfin à elles, évidemment ça n'a pas été au début, il y avait une défiance de chaque côté, quoi. Et c'était probablement pas une mauvaise idée que de pas donner les meilleurs morceaux tout de suite à la major. Voilà. Et d'ailleurs, et je refais cette parenthèse sur cet album Land Cruising, donc le premier disque de Carl Craig sous son propre nom, qui paraît en 1995, on peut expliquer ce semi-ratage à cause de ça. Et expliquer que le disque va finalement connaître sa véritable vie 10 ans après, en 2005, quand Carl Craig le rééditera et sans passer par le major, quoi. Extrêmement intéressant à signaler. Ça en dit long, quoi. Quant à Dominas, bah oui, alors pour le peu, là, c'était sorti sur le propre label de Morrison Oswald et Ernest Hust. Alors eux, c'est les gars de Berlin. Ils sont en train de fabriquer un son absolument colossal, ce Berlin Sound qui va d'ailleurs très vite croiser celui de Détroit. Et Maurizio, quand il signe Dominas, c'est le tout début de la série des M. Et chaque maxi va être totalement exemplaire, long, totalement obsessionnel. C'est un genre à lui tout seul. Et Carl Craig y est associé finalement très tôt, dès le début. Et du coup, c'est ce remix hein, qui va probablement plus rentrer à la postérité que l'original. Donc il figure très très fièrement dans cet album, cette espèce de compilation, quand bien même elle ne se présente pas telle qu'elle. Vous savez qu'il y a même un morceau a cappella dedans. C'est incroyable quand même. On parle techno. Et ici, un morceau a cappella. Autrement dit, avec uniquement de la voix. Pas juste un jingle, hein, le titre dure allègrement 3 minutes. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est Cargo Cult sur cet extraordinaire disque, More Song About Fool and Revolutionary Heart, 1h15 avec Carl Craig. À tout à l'heure pour la deuxième partie d'émission. Thank you. We'll be right back. Thank you. You are. All the minds that will be lost in a revolution. This is not a revolution against governments. This is a revolution against ignorance. Et voilà. Cet exergue de fin hein, qui nous incite à, si ce n'est faire la révolution, au moins être à son écoute. Et la révolution techno, elle est là, elle est actée. Et Carl Craig, évidemment, en a été un des super trublions. Food on art in the spirit of revolution. C'est ça, c'est ces derniers mots. Et c'est donc la conclusion de ce formidable disque de Carl Craig. Hein, c'est celui qui signe en 1997 More Song About Food on Revolutionary Art. Curieusement, ce disque donc, était sorti sur Planet E, c'est le label hein, de Carl. Il l'a fondé déjà, il a de la bouteille, hein, en 91, je crois, qu'il fonde le label Planet E. Planet E va trouver des distributions locales. Moi, je me rappelle très bien que le pressage original, celui que j'ai, le CD d'époque, quelques pièces avaient été faites en vinyle, mais avec moins de contenu. Donc l'œuvre officielle, c'est bien sûr ce CD qui tient sur 75 minutes entières. SSR, qui était un sous-label de Crammed Record, Crammed Disc, en Belgique, distribué à l'affaire. SSR, acronyme assez fun, qui voulait dire « sans pleurs et sans reproches ». Et pourquoi je parle de ce disque précisément, c'est parce qu'il est devenu vachement rare et qu'en fait il est considéré comme la version officielle de l'album, album qui a été réédité, mais dont la réédition fait râler en fait tous les aficionados. Elle est incomplète. C'est Rush Hour en Hollande qui a réédité ça. Alors Rush Hour, au demeurant, sont finalement derrière des éditions plutôt haut de gamme. Mais là, si on est sur la page de Discogs, hein, c'est écrit mais en lettres capitales, le gars il râle. Do not, I repeat, do not buy this crappy reissue by Rush Hour. All the essential tracks on the first free side of this landmark are fade and halfway through. Donc c'est vrai en plus, la réédition effectivement coupe les morceaux et puis elle doit jeter un ou deux trucs absolument importants quoi. Bon ben voilà, je sais pas quoi dire de plus. Trouver l'original, mais ouais, apparemment il s'est fait rare. Bon ben depuis, Carl Craig a pas arrêté de faire des choses. Et des bonnes, et même des très bonnes. Ce qui est amusant, et finalement c'est une carrière de Carl Craig que je vais juste évoquer comme ça en un clin d'œil de fin, c'est qu'après toutes les cordes à son arc et tout le style qu'il a pu développer en tant que producteur, c'est quelqu'un qui sera aussi DJ pour le peu, c'est pas dans ces sphères-là d'ailleurs qu'il sera le meilleur. Par contre, il va être excellent en tant que remixeur. Et il va faire du remix un art qui est plus seulement l'art du studio, parce que par définition, évidemment, ça l'est, mais il va être un remixeur live. Il va faire du remix un art de la scène. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est quelque chose de finalement relativement récent. Et cette définition, c'est la propre définition que Carl Craig donne de lui-même. C'est vachement intéressant de le noter. Et c'est dans le film Never Stop, une musique qui résiste, que la réalisatrice Jacqueline Coe avait faite autour de musiciens de Détroit. Donc Carl Craig faisait partie de cela. C'est un film de 2017. Tout aficionado de la techno de Détroit se doit de voir ce film-là. Hein. Justement, ça met tout à fait l'accent d'ailleurs sur l'indépendance, ce rôle des labels indépendants et des personnalités qui les ont animés sur cette histoire de la techno de Détroit. Donc ça évoque, outre Carl Craig, Derek Mayer, Juan Atkins et aussi Jeff Mills. Donc autant dire des gars absolument passionnants, tutélaires, et dont la musique est formidable, mais aussi le positionnement, le point de vue. Et quand Carl Craig parlait dans ce disque-là de révolution, c'est pas un vain mot. Donc si Carl Craig se définit maintenant comme un remixeur, c'est probablement pas un vain mot non plus. Et il le justifie d'ailleurs, notamment avec l'acuité et la facilité technologique aujourd'hui de pouvoir piloter plusieurs machines en même temps, de séquencer en direct, etc. Avec Ableton Live ou avec d'autres choses. À la limite, peu importe d'ailleurs de savoir quel est le moteur qui va être derrière, mais il y a cette possibilité comme ça d'interagir absolument directement. Et donc, trouver une forme de position absolument intéressante qui est entre la position du producteur en studio et celle du DJ. Et à cette position-là, Carl Craig est absolument formidable. On va s'en convaincre avec un titre qui n'est pas seulement de Carl Craig, c'est un titre qui est finalement assez fin et assez inattendu. C'est un titre qui c'est récent aussi, ça date de 2015, c'était sur un album qui s'appelle Unity. C'est un album qui va unir, c'est le cas de le dire, une légende de Chicago et puis la légende de Detroit, Carl Craig. Et la légende de Chicago, c'est Cashmere. En tout cas, Cashmere sous son nom de bagarre un peu frontale, qui est Green Velvet. C'est largement d'ailleurs son nom le plus connu. Et Green Velvet, c'est le papa de plusieurs labels, mais enfin le label tutélaire et référent en l'occurrence sur cette deuxième vague acid house de la génération middle 90. À Chicago, c'est bien celui-là, c'est bien Relief. Donc l'album paraît sur Relief, et le titre qu'on va entendre là, J'ai choisi tout particulièrement d'abord parce que celui-là est directement dancefloor. Il y a vraiment l'union directe et celle à laquelle on peut s'attendre de l'unity, de l'unité entre Carl Craig et Green Velvet. Mais prêtez bien l'oreille, vous allez reconnaître dans un break aux deux tiers du morceau clairement un de ces sons forts utilisés dans le morceau Red Light de l'album du jour qu'on a écouté, donc More Song About Food on Revolutionary Arts. Et maintenant, avec cet indice en tête, effectivement, découvrez le morceau. Le clin d'œil est évident, c'est même le même son, hein. Mais forcément, c'est un petit peu sibyllin et c'est finalement derrière une house pumping absolument levée, qu'on l'adore, comme on l'aime ici aussi à Cargo Cult. Party.